1. Introduction générale. Bienvenue au musée aéronautique et spatial Safran. Vous voici dans le musée de la plus ancienne société aéronautique au monde, dont la création remonte à 1905. Safran est aujourd'hui un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Le musée a été créé dans les années 80 par une équipe de bénévoles, employés ou retraités de Snecma, Société Nationale d'Études et de Construction de Moteurs d'Avions, la société d'origine de Safran. Ces passionnés se sont engagés dans la restauration de moteurs anciens, afin de conserver et de partager le patrimoine incomparable de leur société. Regroupés au sein de l'AMS, Association des Amis du Musée Safran, ce sont eux qui assurent l'animation du musée et l'enrichissement de ses collections. Le musée Safran est le plus grand musée de moteurs d'avions au monde. Tout au long de votre visite, vous allez assister à la naissance du groupe et à son évolution. Vous côtoierez les pionniers de l'aviation et de la conquête spatiale, ainsi que les hommes et les femmes qui, depuis plus d'un siècle, contribuent au développement des moteurs et autres équipements aéronautiques de Safran. Bonne visite !